Seigneur, parle, soldat du roi des rois. Tu lèves une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne de vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts. S'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, pas qu'en n'hésitant plus, pour que nul ne défaille, regardant à Jésus. De la muraille invincible, soldat, revêtons-nous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout jusqu'au encore. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Au pied du roi des rois, bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Après les larmes, le trône après la croix, revêtons notre armure et battons un vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs, celui qui nous appelle et nous dit en avant, est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Dans notre armure et luttons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur des soldats, plus riche est la promesse et plus ferme est ton bras.